parti. C'est comment on fait pour copier? J'arrive pas. C'est moi qui mets la batterie? Il m'a tout donné, puis s'est effacé. Tout au fond, les rincons ont envie de me casser. Voudrais bien essayer, voudrais bien continuer. Un moment, un instant, j'ai cru oublier. En parlant, en marchant à Paris à minuit. Dans ma ville. Sa nuit. Mais il est parti. Ce sont ça ma vie. Parti, c'est ça ma Effacé sans me déranger, je crois que j'ai pleuré. Tout au fond, l'air d'un con vit de me casser. Je voudrais bien essayer, je voudrais bien continuer. Un moment, un instant, j'ai cru oublier. En parlant, en marchant à Paris, à minuit, dans ma ville. Allez, sur le même rythme, une autre. Merde, j'ai perdu. Un jour, j'irai à New York avec toi. Tu l'as vu, connais. C'est bon le son là. 70 heures et Cuba. Mmh. donné. C'est effacé. Ça m'a dérangé. Et je crois que j'ai pleuré. Tout ce front là d'un corps envie de me casser. Je voudrais bien essayer de me bien tirer. Du moment à l'instant, je suis oublié. Hey!